Un vent fort souffle de la gauche. Je risque de faire un écart à gauche? Oui, réponse A. Non. Réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D.